Oh, oh, oh, babalou, babalabou, par terre, en l'air, à l'envers, tout est sans dessus dessous. Où est ma casquette? Près de la brouette. Où traînent mes chaussettes? C'est une devinette. Moi, mes salopettes se donnent des jambettes. Moi, ma petite jaquette.